franceinter.fr. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, direction le Pletzel, le quartier juif du Marais à Paris, pour une histoire oubliée, 1920, la maladie numéro 9. Paris 1920, le début des années folles. Cette époque qui fredonne « Dans la vie, faut pas s'en faire ». Les Français veulent tourner la page, s'amuser, oublier les horreurs de la guerre. Les Françaises, même si elles ne votent toujours pas et qu'une loi criminalise l'avortement, elles s'émancipent, lâchent leurs corsets, raccourcissent leurs robes et leurs cheveux. Les artistes du monde entier se retrouvent à Montmartre et à Montparnasse. « Le nombril du monde », disait Henry Miller. Mais tout cela semble si loin quand on est un juif polonais fraîchement débarqué dans le quartier pauvre du Marais. En 1920, la rue des Rosiers dans le Marais ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Des immeubles sombres et insalubres, des petites échoppes, des enfants en guenilles faisant la queue à la soupe populaire, des ateliers de confection où l'on travaille tard la nuit sur la machine à coudre. C'est dans ce décor que commence l'histoire que je vais vous raconter ce soir. Autant en emporte l'histoire, Stéphanie Duncan. Bonsoir Grégoire Kaufmann. Bonsoir. Vous êtes historien, l'auteur notamment d'une biographie d'Édouard Drumont, un sinistre personnage qui, à la fin du 19e siècle, fut l'inventeur de l'antisémitisme à la française. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes est, comme l'affaire Dreyfus, un épisode dans l'histoire de l'antisémitisme en France, mais une page oubliée, totalement méconnue, celle de la maladie numéro 9. Alors, sans dévoiler cette histoire tout de suite, pourriez-vous, Grégoire Kaufmann, nous rappeler le contexte de 1920? Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France, qui est en même temps le pays de la Révolution, le pays des droits de l'homme et en même temps celui de l'affaire Dreyfus, eh bien la France était un pays antisémite. Alors ce moment de 1920 n'est pas identifié par les historiens comme un moment antisémite. En France, il y a eu le moment, en gros, de l'affaire Dreyfus. Il y aura ensuite les années 30. L'antisémitisme ressurgira à intervalles réguliers dans l'histoire récente de la France. Mais ce moment de 1920, eh bien, est plutôt considéré comme une période d'union nationale. C'est la France victorieuse, mais une France angoissée, une France qui connaît de graves difficultés économiques avec la baisse du franc, la hausse des produits alimentaires et des angoisses qui circulent, un antisémitisme souterrain qui va se donner à voir à travers cet épisode de la maladie numéro 9 et qui va montrer que, évidemment, en ces temps d'unité nationale retrouvée, eh bien, il y a un antisémitisme latent, hérité de l'affaire Dreyfus, hérité d'Édouard Drumont, le père fondateur de l'antisémitisme français. On va voir les poncifs antisémites réapparaître lors de ce court épisode aujourd'hui tombé dans l'oubli. En France, il existe une communauté juive très ancienne, mais à la fin du 19e siècle, donc environ de 1880 jusqu'à 1920, une vague d'immigration amène des juifs originaires d'Europe orientale ou d'Europe centrale. Que fuient-ils à l'époque et pourquoi viennent-ils en France ? Alors, ce sont des juifs qui arrivent par vagues successives, en effet notamment à partir des années 1880. On en verra également arriver un certain nombre au lendemain de la Première Guerre mondiale. Eh bien, ils fuient l'antisémitisme qui sévit en Europe orientale. Ils fuient les pogroms de la Russie tsariste. Ils fuient aussi la guerre civile. Et pour eux, la France, eh bien, c'est le pays des droits de l'homme, de la Révolution française. Et c'est aussi le pays qui a été le premier au monde à émanciper ces juifs, puisque le décret d'émancipation des juifs de France, 1791, est étroitement associé à la Révolution française, à ce pays de la République triomphante qui incite les juifs à regarder eh bien, ce pays avec confiance et à gagner la France pour tenter de trouver du travail. Ces pogroms dans l'Europe de l'Est, c'est où essentiellement? C'est en Russie, c'est en Ukraine, en Pologne? Russie, Ukraine, Pologne, ce sont vraiment dans l'Empire russe et aux marges de l'Empire russe. Ce sont des massacres? Ce sont des massacres, ce sont des émeutes anti-juives avec avec la plupart du temps un soutien tacite des pouvoirs publics. Il faut savoir qu'un pogrom, ce sont évidemment des émeutiers, mais ce sont aussi les pouvoirs publics qui encouragent les émeutiers à s'attaquer aux magasins juifs et à se livrer à des voies de fait sur les juifs dans la rue, etc. Donc des scènes d'une extrême violence que les juifs de ces pays-là eh bien, vont fuir en regardant vers l'espoir, vers l'avenir, et pour eux c'est la France. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est surtout la Pologne, je crois, qui est le théâtre de pogroms. Les juifs quittent la Pologne parce que les juifs aussi sont souvent considérés comme étant des amis des bolcheviks russes. Alors ça, c'est le mythe du complot judéo-bolchevique qui naît évidemment au moment de la révolution russe. Il y avait un certain nombre de stéréotypes anti-juifs auparavant, le mythe de la judéo-maçonnerie, ou bien le mythe du juif ennemi du catholicisme, le mythe du juif financier avec le mythe Rothschild, le mythe de la finance juive. Et on va voir surgir au moment de la Première Guerre mondiale un nouveau mythe qui est celui du mythe judéo-bolchevique, les juifs étant considérés comme les instigateurs de la révolution, avec un internationalisme qui menacerait les États dans leur essence, dans la mythologie anti-juive. Donc, des juifs d'Europe centrale, d'Europe orientale quittent leur pays, fuient pour venir pas seulement en France. D'ailleurs, ils vont d'abord surtout aux États-Unis, ils vont en Grande-Bretagne, en Argentine, et puis à peu près 100 000 en France. Où est-ce qu'ils s'installent en France? Dans les villes, à Paris, dans quel quartier? Ils s'installent notamment dans les villes, en effet. Alors, à Paris, ça sera, vous l'avez dit, la rue des Rosiers, le quartier du Marais, mais également tous les quartiers de l'Est parisien. On voit en effet des ateliers de confection, des petits métiers qui naissent à ce moment-là, une sociabilité juive très importante. Des juifs qui arrivent en France souvent ne parlent pas français, mais vont, pour la plupart d'entre eux, eh bien, profiter du système méritocratique à la française pour s'intégrer à la société française. Et c'est aussi leur rêve lorsqu'ils arrivent en France, c'est de devenir de bons français. Alors, l'histoire que je vais raconter maintenant est basée sur des faits réels, la maladie numéro 9 notamment, même si elle est racontée de manière romanesque avec des personnages fictionnels. Grégoire Kaufmann, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1920, la maladie numéro 9, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Hanouka approche. Mon père dit toujours que c'est notre Noël à nous, les Juifs, pour que les enfants reçoivent des cadeaux comme les petits chrétiens. Ce soir, comme tous les soirs de la semaine, les passants de la rue des Rosiers se dépêchent de rentrer chez eux pour allumer les candélabres. Tout à l'heure, le quartier scintillera dans la nuit. En attendant toute la journée, ça a été le défilé dans la boulangerie. Les clients font la queue pour acheter leur punch-caisse. Oh. Et beignets à la confiture. Je les adore depuis que je suis toute petite. Tous les éléments de la fête sont réunis. Et pourtant, c'est bizarre. Je ne ressens pas la ferveur habituelle. C'est le quartier. Il a beaucoup changé. Comme tous les ans en novembre, Caroline Ullmann vient aider sa tante qui tient la plus grande boulangerie du quartier du Marais à Paris. À 24 ans, elle vit encore chez ses parents, une famille de la bourgeoisie juive de Reims. Elle s'échappe dès qu'elle peut pour venir à la capitale. 1920. L'Europe se relève difficilement de 4 années de conflit. L'économie tarde à redémarrer. On accuse l'Allemagne de ne pas vouloir payer de réparations de guerre. À l'Est, la révolution russe déstabilise l'Europe. Les bolcheviks font peur. La France, elle, choisit le repli nationaliste. Un groupe de partis de droite, le Bloc national, a été élu à l'Assemblée sur un programme anti-bolchevique et libéral. La xénophobie se développe chez les Français. Au suivant, bonjour. Guten Morgen, Eich. Seid ihr gut? Gib mir 3 Löffel Brot. Je peux vous aider? Vous parlez français? Ich darf 3 Löffel Brot. 3, seid ihr so gut. Désolé, je comprends pas. Seid ihr so gut, mademoiselle. Gib mir 3 abgekochte Löffel Brot. Non, écoutez, je comprends pas. Allez-y, montrez-moi, sinon on va pas y arriver. Malgré l'antisémitisme latent révélé par l'affaire Dreyfus, les Juifs voient toujours la France comme une terre d'accueil. La France, lors de la Révolution, fut la première en Europe à leur accorder la citoyenneté. Depuis 1917, fuyant les pogroms et la guerre, des dizaines de milliers de Juifs de l'Est de l'Europe cherchent refuge en France. Mais les difficultés économiques rendent leur accueil délicat. Le gouvernement n'a pas les moyens d'une politique d'intégration efficace et les nouveaux arrivants ne peuvent compter que sur eux-mêmes et quelques bonnes volontés. Ces nouveaux immigrés sont juifs, eux aussi, comme moi. Mais je ne m'y fais pas. C'est peut-être leur nombre ou la misère dans laquelle ils vivent. Ils ne parlent pas français et je ne parle pas yiddish. Je sais que c'est terrible à dire, mais je regrette la rue des Rosiers de mon enfance. Mon père aurait pu t'apprendre un peu de yiddish. Je n'ai jamais entendu parler yiddish à la maison. Et de toute façon, c'est à eux d'apprendre le français. C'est vrai. Mais la plupart viennent juste d'arriver. Il faut se mettre à leur place, c'est dur. Je sais. Mais c'est déprimant de voir le quartier devenir si sale. Les immeubles se dégradent. Ils ne sont pas responsables. Ce sont les propriétaires qui refusent d'entretenir leur logement pour des locataires juifs. Tu as vu qu'on parle du quartier dans le journal? Ah. S'y raconte encore. Il parle d'une épidémie qui touche Paris. La maladie numéro 9. Ça a l'air grave, il y aurait des morts. La maladie se développe dans plusieurs quartiers de Paris, dont ici, à cause de la saleté. Depuis la fin de la guerre, la France vit dans la peur du retour des grandes épidémies. La pauvreté, le manque d'hygiène et la salubrité des logements favorisent leur développement. Il y a un an seulement, la grippe espagnole a fait des millions de morts à l'échelle planétaire. La tuberculose se développe, notamment parmi les soldats revenus du front, et même plusieurs cas de peste ont été déclarés en France. Bonjour. Bonjour. C'est toi le nouvel apprenti? Oui, madame. Mademoiselle. Il faut l'excuser. Ossip ne parle pas encore bien français. Il est évident que vous êtes beaucoup trop jeune pour être mariée. J'espère que ce compliment n'est pas ironique. Ah, pas du tout. Je ne me permettrai pas de risquer l'engagement de mon apprenti en insultant la patronne. Gardez votre baratin pour ma tante, c'est elle la patronne. Ah, je me disais aussi, vous ressemblez un peu, au moins au niveau du caractère. Eh bien maintenant, je suis sûre que vous vous fichez de moi. Ah, bonjour Jacques. Bonjour. Et je suppose que tu es Ossip. Oui, bonjour madame. Je vous remercie pour l'opportunité. Je suis impatient d'apprendre. Celui qui sait qu'il ne sait pas, c'est déjà beaucoup. Viens par ici. Je vais te présenter à l'équipe. Vous travaillez pour quelle institution? Je suis professeur à l'école israélite d'apprentissage. Votre tante nous fait l'honneur de prendre régulièrement des apprentis. Je connais pas. Vous n'êtes pas d'ici? Je ne vous ai jamais vu à la synagogue. Je ne suis pas vraiment... Caroline habite Prince, mais elle vient souvent à Paris. Je crois même qu'elle finira par s'installer ici. Au moins pour augmenter ses chances de trouver un mari. Tante! Ne vous en faites pas, Caroline. Je connais bien ce type de remarques. C'est pareil dans toutes les familles. Je pense à quelque chose, Jacques. Il va nous rester des pains et des gâteaux sur les bras. Vous avez une cantine pour vos jeunes? Oui, on ne fait pas que les faire travailler. On les nourrit aussi. Alors repassez demain. Je vous préparerai quelques paniers. Ah, c'est très gentil à vous. Merci. À demain, alors. À demain. À demain. Au revoir. C'est une bonne action. La maison fermée aux pauvres finira par s'ouvrir aux médecins. Quand on ne fait rien pour les autres, on attire le haïnara, le mauvais œil. En tout cas, on dirait qu'il ne te laisse pas insensible. Qui? Jacques. Tante, tu exagères. Je dis pas, il est bel homme, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, on dirait grand-mère. Oh non, tu fais ce que tu veux. Je suis mal placée pour donner des conseils, je n'ai jamais su garder un homme. D'après ce qu'on m'a dit, c'était plutôt pour en garder plusieurs. Insolente. Mais mieux vaut le célibat qu'un mariage malheureux. En tout cas, j'ai des yeux pour voir. Et comme on dit, s'il te faut compter avec un homme, tâche du moins que ce soit un honnête homme. Et Jacques en est un. Tu me fais rire avec tes dictons. La peste est dans nos murs. La maladie numéro 9 identifiée, c'est bien la peste. Va-t-on laisser Paris se transformer en nécropole? En ce mois de novembre 1920, les journaux font dans la surenchère. On parle de plus de 300 morts et de nombreux malades seraient traités dans un bâtiment secret de l'hôpital d'Aubervilliers. La psychose s'installe. L'affaire prend une telle ampleur que le père de Caroline la somme de rentrer à Reims au plus vite. La peur s'installe dans le quartier. Certaines personnes marchent dans la rue avec un mouchoir sur la bouche. Je suis triste de devoir abandonner ma tante avant la fin de la fête. Mais mon père a peut-être raison pour une fois. Je vais prendre le train pour Reims, demain matin. Voilà les pains. Ça sent bon. J'ai mis aussi des plates seules aux oignons, des bagels. Et on a refait des punch cakes spécialement. C'est adorable. Par contre, il va falloir faire de voyage. À moins que... Caroline ! Ça t'embête d'aider Jacques ? Non, bien sûr. Ah oui. D'accord. C'est comme ça que j'ai loupé l'agrégation. Mais je suis pas déçue, je veux pas être professeur. Au grand dam de mes parents. Vous savez ce que vous voulez faire ? J'écris des critiques littéraires pour des journaux. J'aime bien ça. Mais mon rêve, c'est de devenir écrivain. Je vous souhaite de réussir. Merci. Et vous, quel est votre rôle au sein de l'école ? Alors moi, je suis professeur de mathématiques. Mais comme l'école vit sur des subventions de la communauté, nous devons mettre un peu la main à la pâte. Je m'occupe de trouver des places dans les entreprises pour nos apprentis. Ça ne doit pas toujours être facile, surtout en ce moment. Nous avons de plus en plus d'élèves et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais bon, les résultats sont là. Nos apprentis apprennent le français, les bases en mathématiques et ensuite on leur apprend la confection ou la mécanique. L'école a été déclarée d'utilité publique. Mmh. Voilà, on y est. Alors, je suis d'accord, le bâtiment n'est pas très engageant. Mais on va sûrement déménager dans quelques mois. Bien, cette conversation était très intéressante. Je repars demain, mais je reviendrai sûrement très bientôt. Vous partez avant le début de la fête ? Oui, c'est mon père. Il est un peu inquiet pour moi avec cette histoire de peste. Ah, je vois. Vous ne voulez pas que je vous fasse visiter l'école ? Ah, non, en fait, je crois que ma tante m'attend. Allez, ça ne prendra qu'un petit quart d'heure. Non, je préfère pas. Vous n'avez rien à craindre, vous savez. La façade est un peu vieille, mais l'intérieur est sain. Nos élèves se lavent, les pièces sont aérées, et je touche du bois, personne n'a encore la peste. Oui, bien sûr. Je suis confuse. Tous ces articles dans la presse, ils font perdre un peu le sens commun. Oui, mais je vous assure. Quelle bécasse. Maintenant, Jacques va me prendre pour une petite bourgeoise de province, coincée et égoïste. Caroline est de retour dans la maison de ses parents. Son père, Manuel Ullmann, est sénateur de la Champagne. Juif laïque, il n'approuve pas vraiment les séjours réguliers de sa fille dans le Stadtel, le quartier juif parisien. Enfin, tu es à peine de retour que tu me bassines déjà pour y retourner. Papa, je m'ennuie ici. Je peux profiter de ton trajet et on pourra même rester ensemble. Je vais à Paris pour parler de cette maladie numéro 9 justement. Tu ne te rends pas compte, mais la situation est grave. Ma chère sœur risque d'être évacuée si on doit assainir Paris. Et on doit décider du sort de tous ces immigrés qui s'entassent dans ces endroits insalubres. On devra soit les renvoyer, soit les mettre en quarantaine. Tu vois l'ampleur du problème ? Dans une Troisième République, dotée d'un pouvoir exécutif faible, le Sénat, qui représente la France des notables de province, joue le rôle de contrepoids de la Chambre des députés. Les débats sur la maladie numéro 9 doivent se tenir lors de la séance du 2 décembre 1920, en présence du ministre de l'Hygiène, Jules-Louis Breton. Le ministre va nous faire un rapport sur la situation. Le problème, c'est que le ministère n'existe que depuis un an et ils n'ont pas encore les moyens ni de faire vraiment de la prévention, ni de collecter des statistiques fiables. Franchement, des 2 semaines passées à la boulangerie, je n'ai vu aucun cas de cette maladie autour de nous. C'est vrai, la presse a toujours tendance à monter les choses en épingle et j'ai remarqué qu'ils pointent beaucoup du doigt les quartiers juifs. On en saura plus lors de la séance avec le ministre. Alors tu vois, laisse-moi venir avec toi. Tu sais bien que j'ai beaucoup plus de chances de trouver du travail à Paris. N'est pas en vendant des bagels que tu vas trouver un travail à la hauteur de tes diplômes. Si tu préfères, je ne dormirai pas chez elle. Je resterai avec toi. Dans ce cas, pourquoi tu veux tellement y retourner ? Tu n'aurais pas quoi ? Il n'y aurait pas un jeune homme derrière tout ça ? Ah, ne t'inquiète pas, je n'en parlerai pas à ta mère. C'est ça ? Dis-moi au moins si c'est ça. Oui, j'ai rencontré un jeune homme. Tu es content ? Il a l'air plus intéressant que les autres, mais on ne se fréquente pas. On se connaît à peine. Et en plus, j'ai été désagréable sans le vouloir la dernière fois. C'est pour ça que je veux le revoir, pour m'excuser. Qui est-ce ? Papa, je n'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il est professeur. Tante dit que c'est quelqu'un de bien. Bon, si ma chère sœur dit que c'est quelqu'un de bien, tu peux venir. Mais non, je te préviens, je prends le lit et tu dormiras sur le canapé. Je ne veux pas que tu traînes rue des Rosiers. Promis, je t'adore. C'est la première fois que je me confie à mon père si ouvertement. Je suis sûre qu'il préférerait que je fréquente un non-juif. Mais il n'a pas fait de commentaire. Je ne suis pas surprise de son ouverture d'esprit. Ce qui me surprend, c'est que je lui parle déjà de Jacques. Je m'inquiète de savoir si sa judéité poserait un problème à mon père, alors que je le connais à peine. Je ne connais même pas son nom de famille. Moi qui suis toujours sur la défensive d'habitude, je baisse ma garde un peu vite. Manuel Ullmann fait partie de ces juifs qui prônent la voie de l'assimilation totale. Athée jusqu'à en être anticlérical, il renie sa culture d'origine pour mieux s'intégrer à la République. Ce courant de pensée est très présent chez les Juifs français depuis l'affaire Dreyfus. Les Juifs ont peur d'être ostracisés de la communauté nationale. Ah, je suis ravi de vous revoir. Moi aussi. Je voulais m'excuser pour la dernière fois. Je me suis comportée comme une idiote, je vous ai insultée, ainsi que votre école. Je m'en veux beaucoup. Oh, ce n'est rien. Comme vous disiez, les journaux font tout pour faire peur aux gens. Et puis j'aurais pu choisir un meilleur endroit qu'une école pour passer un moment avec vous. Vous avez bien mieux choisi. Ce parc est beaucoup plus agréable. Mon père m'a posé des questions sur vous, et je me suis rendu compte que j'étais incapable de lui répondre. Je connais même pas votre nom. Ah, Berkovitch. Jacques Berkovitch. C'est russe ? Oui. Oui, je suis né en Russie. Vous n'êtes pas français ? J'espère le devenir. J'ai fait la demande de nationalité. Ça fait 11 ans que je vis ici. Ah bon ? Seulement ? Mais vous n'avez pas d'accent ? J'ai appris le français en Russie. Je comprends mieux maintenant votre engagement auprès des immigrés. Ce n'est pas vraiment lié. C'est plutôt un devoir moral. Et religieux ? Aussi. Mais je ne suis pas sectaire. Non, le contact avec ces jeunes est une belle expérience. Vous voyez Ossip, par exemple, je l'aime beaucoup. Un gamin plein de vie, d'envie. Vous avez vu ses yeux ? Il adore rire, raconter des blagues. Pourtant, quand on connaît son histoire... Que voulez-vous dire ? Il a vécu des choses horribles. Il vient de la région de Kiev, en Ukraine. Avec la guerre civile, les bolcheviks ont lancé la cavalerie sur sa ville. Ils ont tout pillé, tué une partie de la population, dont des juifs. Quand ils sont partis, il n'y avait plus rien à manger, encore moins dans le shtetl. Alors les juifs se sont aventurés dans le centre-ville pour trouver de la nourriture. Toute la famille de Sip était mise à contribution. Mais des miliciens locaux en armes les ont repérés. Ils les ont massacrés en les traitant de bolcheviks. Ossip est le seul survivant. Il est arrivé en France, je ne sais même pas comment. C'est terrible. Et des histoires comme la sienne, j'en entends beaucoup. Les Rouges nous détestent, les Blancs aussi. Les Polonais et les Ukrainiens, tous veulent les massacrer. Alors ils viennent ici. Et vous n'êtes pas inquiet avec cette histoire de maladie numéro 9 ? On parle de renvoyer les immigrés. Ouais, bien sûr. Moi-même, j'ai peur d'être renvoyé à la frontière. J'ai lu que le Sénat doit débattre cet après-midi. C'est vous qui devriez m'en dire plus. Comment ça ? Votre père est sénateur, non ? Il n'a pas une idée de ce qui va se passer ? Comment vous savez que mon père est sénateur ? Votre tante me l'a dit. D'accord. Eh bien, mon père n'est pas très au fait. Il compte justement sur les débats pour se faire une opinion. C'est un peu dommage, non ? Pourquoi vous dites ça ? Il pourrait se soucier un peu plus du sort des gens de sa communauté. On pourrait le recevoir à la synagogue. Mon père, à la synagogue ? Vous pouvez toujours rêver. Et vous ne voyez pas que cette maladie numéro 9 n'est qu'un prétexte ? C'est une campagne de presse contre les immigrés et surtout nous autres. Et par extension, c'est toute la communauté juive qui est visée. Ça vous concerne aussi ? Mon père est un sénateur français qui représente des Français, pas une communauté. Il se fera une opinion devant des faits. Mais vous voyez bien que personne n'est malade sur le terrain. Les journalistes racontent des mensonges. Avant d'affirmer ça, il faut des preuves. Et puis, pourquoi vous me parlez autant de mon père ? On doit se défendre. Les gens dont je m'occupe ont besoin d'aide. On a besoin de soutien politique. Alors c'est pour ça que vous vouliez me revoir ? Non, mais non, pas seulement. Pas seulement ? Mais vous vous trompez complètement sur ma famille. Laissez-moi vous expliquer. Mon père est un homme intègre. Il a toujours refusé de se laisser corrompre. Si une épidémie menace la France et qu'il faut prendre des mesures contre les immigrés, même si c'est dur, eh bien il votera pour, dans l'intérêt de la France. Sur ce, vous m'excuserez, mais je vais profiter du reste de l'après-midi pour avancer un peu sur mon roman. Au revoir. Caroline, attendez. Quel manipulateur. J'ai vu passer pas mal d'intrigants qui courtisaient mon père dans l'espoir d'obtenir des passe-droits, mais jusqu'à présent, personne n'avait essayé de m'utiliser pour gagner sa confiance. Heureusement, ce Jacques est plutôt maladroit. Et il s'y est pris comme un pied. Encore une fois, mon père a sûrement raison. Je ne trouverai le bonheur que dans un mariage avec un laïc, breton. ...2 décembre 1920. En début d'après-midi, la séance est ouverte au Sénat. Adrien Godin de Villaine, sénateur issu de la droite anti-républicaine et royaliste, entame les débats avec l'intention de marquer les esprits. Je suis heureux de voir en face de moi le sympathique ministre de l'hygiène, car je sais quel dévouement il apporte dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons tous pris connaissance des journaux de ces derniers jours. Il apparaît clairement que cette maladie numéro 9 est éminemment contagieuse. Nous déplorons déjà 300 décès. Cette maladie se propage dans les bas-fonds de notre pays, dans Paris même, notamment dans le 4e arrondissement, particulièrement autour de la rue des Rosiers. Des gens aux aspects étrangers se promènent par les rues sans occupation apparente et s'entassent dans des maisons sordides et dans une promiscuité honteuse, se disant roumains, hongrois, russes, polonais. En réalité, ils sont tous juifs. Et parlent tous le yiddish, ce patois hébreu compris de tous les juifs de l'univers. Il paraît en fait que c'est à l'initiative du consistoire israélite de France, dont le baron Édouard de Rothschild est le président, que nous devons en partie cette invasion dans Paris. Aucune mesure de salubrité et de sécurité n'est appliquée. Toutes les sévérités administratives sont pour les Français. À ces juifs, parce que juifs, l'impunité absolue. Ces étrangers ne se mélangent même pas avec les Israélites français. Ils se déclarent juifs comme religion et comme race. Ils s'agglomèrent entre eux. Tous les petits commerces tenus par des Français sont ruinés et forcés de partir de ces quartiers. Cette vermine arrive chez nous plus nombreuse chaque jour. La France, depuis un siècle, depuis 50 ans surtout, a trop souffert de ces juifs qui campent chez nous en conquérants étrangers, nous imposant le contact dégradant d'une invasion de métèques, véhiculant avec eux non seulement le microbe anarchique, mais encore celui des tragiques razzias asiatiques. Et je le dis bien haut, nombre de Français en ont assez d'être traités en coupables dans leur propre patrie. Les Juifs croient peut-être que l'heure de leur domination du monde est arrivée. Ils se trompent. Et ils pourraient bien, ici comme ailleurs, attirer sur eux de terribles représailles. L'intervention de Gaudin de Vilaine dure encore de longues minutes. Il énumère des chiffres, cite des études soi-disant officielles pour convaincre du danger de la maladie numéro 9. Il nomme surtout les responsables à ses yeux. Bien qu'il pondère son antisémitisme en opposant les bons juifs français aux nouveaux arrivants, son discours est d'une violence antisémite jamais entendue au Sénat. Et pourtant il fait mouche. Grâce à ses talents d'orateur, Gaudin de Vilaine s'est acquis le soutien non seulement des nationalistes, mais aussi d'une partie de la gauche, pour qui ces nouveaux immigrés, travailleurs dociles et non syndiqués, représentent un danger pour les droits des travailleurs français. Tu as vu ? On parle de nous dans le rappel de ce matin. Le Sénat s'est occupé de la peste, introduite à Paris par tous les pouilleux d'Orient qui y grouillent, avec toutes leurs vermines et tous leurs microbes. Arrête tes sarcasmes. Ils ne parlent pas de nous, ce n'est pas étonnant. Ils rapportent les débats d'hier. Excuse-moi, mais ils parlent de nous. Les Juifs qui croient sans doute arriver l'heure prédite de leur domination du monde, ils pourraient attirer sur eux de terribles représailles. Apparemment, Gaudin de Vilaine a été applaudi quand il a prononcé ces mots. Oui, un peu. Et ce matin, tous les journaux se gargarisent avec ça. Et toi, tu as fait quoi pendant ce temps ? Bah comment ça ? J'ai écouté. Les débats ont duré toute l'après-midi et le ministre Jules-Louis Breton a été très bien. Il a apaisé les esprits et recentré le débat sur la question unique de l'hygiène. Jules-Louis Breton est ministre de l'hygiène depuis le début de l'année 1920. Le président Alexandre Millerand l'a nommé à ce poste malgré la forte opposition de son gouvernement. En effet, Breton est très marqué à gauche. Il est considéré comme un ennemi de la France par une bonne partie des sénateurs et des députés de droite composant le bloc national au pouvoir. Jusqu'à présent, ses résultats jouent en sa faveur. Il a créé de nombreuses structures de santé publique qui commencent à donner de bons résultats. Je suis ravie que tu aies bien écouté. Et tu comptes faire quelque chose maintenant ? Tu sais bien qu'avec notre nom de famille, je ne peux pas me mettre en avant dans les débats sur les questions juives. On m'accuserait d'être partisan. Entre risquer d'être taxé de partisan ou risquer d'être traité de lâche, je sais ce que je choisirais. J'ai du mal à comprendre sa position. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénat, c'est très grave. Le danger est réel. Pour Jacques d'abord, pour ma tante ensuite et bien sûr pour nous tous, même les sages petits juifs, patriotes et bien intégrés. Parce qu'à l'arrivée, c'est bien sur l'ensemble des juifs que cette haine antisémite va se déverser. Je pense que tu te trompes, Caroline. Ton père est un humaniste. Qui ne peut supporter le mal ne vivra pas pour voir le bien. Parfois, il faut savoir prendre sur soi. Manuel est plus malin que tous ces balourds derrière cette affaire. Il va sûrement agir, mais à sa manière. Quand les gens se rendront compte qu'on n'est pas plus malade ici qu'ailleurs, cette campagne antisémite s'arrêtera toute seule. Mais tant qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe avec la maladie numéro 9, les gens raconteront n'importe quoi. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé? Ah, très bien. Aussi pas reçu les félicitations du jury. Ah, oh, je suis ravie pour toi. Merci. Mademoiselle Caroline. Parfait. On va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, tu es embauchée? Oui. Je vais m'occuper des bagels. J'ai repris la recette de ma mère en l'améliorant un peu. Avec des graines de sésame. Elle serait fière de toi. J'espère. Moi, le fils de rabbin, je vais devenir le roi du bagel. Viens, il t'attend pour finir la pâte. Je voulais vous dire, je suis désolé pour l'autre fois. Votre père, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche pas, mais je... Ça va, ne vous fatiguez pas, c'est moi qui ai été idiote. Vous aviez raison, les antisémites sont à la manœuvre. À votre avis, il y a quelque chose que je pourrais faire? Je crois qu'il reste que ces deux bâtiments au fond. Dans le journal Bonsoir du 14 novembre, le journaliste René Dixel mentionne un bâtiment spécial de l'hôpital d'Aubervilliers. Il affirme s'être introduit dans un pavillon où l'on soigne en secret plusieurs centaines de malades. Jacques et Caroline ont décidé de se rendre sur place. Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'ai rien vu. Moi non plus. Rentrons si vous voulez bien. Incroyable. Le culot de ces journalistes. On a arpenté discrètement toute l'enceinte de l'hôpital et on n'a rien trouvé. On est allé poser la question au personnel et ils nous ont ri au nez. Eux aussi ont lu la presse. Il n'y a jamais eu de bâtiment pour soigner la maladie numéro 9 à Aubervilliers. Un coup dans l'eau. En tout cas, ça me fait plaisir qu'on y soit allés ensemble. J'avais peur de ne plus vous revoir. Mais enfin, qui peut être derrière tout ça? Difficile à dire. Les antisémites, les opportunistes... J'irai bien voir les journaux. On pourrait leur dire qu'il n'y a pas de malades, ni dans le Marais, ni à Aubervilliers. Et leurs articles sont tellement mensongers qu'ils sont forcément dans le coup. Il n'y a que le Figaro, l'Humanité qui sont plus réservés. Mais toutes ces histoires, c'est pas nouveau. Ça fait des siècles qu'on nous accuse de tous les maux. Cette histoire de maladie propagée par les juifs, tiens, ça me fait penser à ce bouquin qui vient de sortir. Les protocoles des sages de Sion. Vous en avez entendu parler? Oui, il paraît que c'est un livre épouvantable. En tant que journaliste littéraire, vous devriez le lire. Vous rigolez ou quoi? Les protocoles des sages de Sion est un recueil de compte-rendus de prétendues réunions secrètes entre des représentants de la communauté juive mondiale et des francs-maçons. Il expose un plan de domination du monde qui utiliserait les guerres, les révolutions et s'appuierait sur la modernisation industrielle et le capitalisme pour installer un pouvoir juif mondial. Le livre, on le sait maintenant, a été rédigé par un espion du tsar en 1901, puis traduit en français en 1919. Ce livre est malhonnête. On y affirme, entre autres, que les juifs cherchent à introduire des maladies dans les pays où ils s'installent. C'est sûr, ceux qui ont lancé la rumeur de la maladie numéro 9 s'en sont inspirés. C'est insidieux. Le Times de Londres a fait un article sur le livre il y a quelques semaines. Il pense que ces comptes rendus sont réels. Il ose même demander des explications à la communauté juive. Tout le monde sera ainsi épuisé par la famine, par l'inoculation de maladies contagieuses dont le contrepoison n'est connu que de nos savants. Voilà le genre d'ineptie que l'on peut lire dans les protocoles des sages de Sion. Ce recueil est un ramassis de théories absurdes sur les juifs. Exemple, ils propagent sciemment des maladies auxquelles eux seuls sont immunisés. Ces théories datent du Moyen-Âge, et c'est vers ces temps d'obscurantisme que l'auteur veut nous ramener. Et pourtant, les protocoles des sages de Sion n'est en fait qu'un plagiat grossier de dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Publié à Bruxelles en 1864 par Maurice Joly, un avocat anti-bonapartiste qui voulait montrer que Napoléon III et ses proches complotait pour s'emparer du pouvoir. Pour s'en rendre compte, il suffit de remplacer Napoléon III par les Juifs et la France par le monde. il est déplorable de constater que certains, y compris parmi nos illustres représentants, utilisent ce tissu de mensonges pour bâtir des théories fantaisistes au sujet de maladies imaginaires. Comme cette fameuse maladie numéro 9, qui n'a pas plus d'existence réelle que les réunions secrètes des sages de Sion. Beau travail, ma fille. Ah, il fallait le trouver, le plagiat. Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ce n'est pas exactement mon livre de chevet. Tu l'avais lu ? Oui, cher père. Je n'ai pas fait que vendre des bagels pendant toutes ces années d'études. Et toi, tu as des nouvelles de l'Institut Pasteur ? Le rapport va bientôt sortir ? Dans quelques jours. Si tu n'étais pas partie comme une furie, je t'aurais présenté au docteur du jardin Baumetz. Il m'a officieusement déjà donné ses conclusions. La maladie numéro 9 est une pure invention. La peste a été éradiquée il y a plus de 6 mois grâce à leur vaccin. Ils vont publier leurs travaux, chiffres à l'appui. Il a conclu que de toute façon, les populations à risque sont celles les plus exposées aux rats. Donc ce sont les chiffonniers et non les juifs qui sont les plus concernés. Personne n'osera contredire un rapport qui vient de chez Pasteur. En tout cas, bravo. Et je m'excuse. Ce que tu as fait était finalement plus intelligent que s'agiter dans la presse. Ça n'effacera pas les horreurs qui ont été dites dans les journaux et au Sénat. Je reste encore quelques jours avant de rentrer à Reims, et toi ? Je vais rester un peu chez tante Déborah. Tu l'embrasseras pour moi. Je n'ai pas le temps de passer la voir et tu salueras ce mystérieux Jacques, si c'est toujours d'actualité. Oui, on s'est revus. Et j'en sais plus sur lui. Il vient d'une famille de métèques juifs, il est russe, religieux, et il vit dans le shtetl, au milieu du reste de la vermine. Il n'a pas de famille à Paris et il n'a pas beaucoup d'argent. Il m'a l'air très bien, ce garçon. Et s'il me débarrasse de toi, je l'inviterai même à la maison. Et tu lui diras juste de prendre une douche avant de venir et de laisser sa kippa à l'entrée. À la fin du mois de décembre 1920, le professeur du jardin Baumetz de l'Institut Pasteur rend public son rapport sur l'épidémie de peste. Aucun nouveau cas n'étant déclaré depuis plusieurs mois, elle est officiellement circonscrite. La maladie numéro 9 tombe dans l'oubli, ainsi que la vague d'antisémitisme qui l'a accompagnée. Avant de ressurgir dans les années 30, dans le sillage de l'Action française, puis sous l'occupation et le régime de Vichy. Les mensonges des protocoles des sages de Sion ont inspiré de nombreux racistes, tel Adolf Hitler pour l'écriture en 1924 de son Mein Kampf, et aujourd'hui encore, il continue d'alimenter l'imaginaire funeste des antisémites de tous horizons. Hanouka est terminée. C'est au tour des chrétiens de fêter Noël. La rue des Rosiers a retrouvé un calme relatif. À la boulangerie, ma tante peut enfin se reposer. Cette année, on a de la chance. Il neige. Enfin, c'est une chance quand on est au chaud. Tous ces réfugiés qui arpentent la rue avec leurs valises et leurs vieux manteaux. Ils ont l'air perdus. Ossip devait être comme eux quand il est arrivé en France. Il y a donc de l'espoir. Beaucoup sont très jeunes et ont une vie à construire ici. Le fait de les côtoyer de plus près m'a ouvert les yeux. Je n'irai pas plus à la synagogue pour autant. N'en déplaise à mon amoureux. J'espère en tout cas qu'en France, il n'y aura plus de maladie numéro 9. Que toute cette haine est derrière nous, pour toujours. La maladie numéro 9 de Vincent Hazard avec Roxane Kaspersky, Caroline Ullmann, Benjamin Laverne de la Comédie Française, Jacques, Elisabeth Mazeff, Tante Déborah, Richard Pinto, Ossip, Vincent Nemeth, Le Client, Hervé Furic, le sénateur Gaudin de Vilaine, Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Claire Levasseur et Emmanuel Armin, assistant à la réalisation Vivien de Meyer, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on continue de parler de la maladie numéro 9 et de l'antisémitisme dans la France des années 20 avec mon invité Grégoire Kaufmann. It's true that all the men you knew, power dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Well, I know that kind of man, it's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender? And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, no, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger, just some holy Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love, your warmth and your shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Ah, but now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. You've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the song he sings for shelter. Well, yeah, I hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that's curling up like smoke above his shoulder. And now suddenly you look a little older. Yeah, suddenly you feel a little older. Well, you tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you cannot close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Ah, well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. Yes, he speaks like this, you don't know what he's after. Ah, let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never even was that stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, no, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. Yeah, just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love, your warmth and your shelter. And taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Léonard Cohen, The Stranger's Song, sur France Inter, dans Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Billoux, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Vincent Godard. Grégoire Kaufmann, je le rappelle, vous êtes historien, auteur entre autres d'une biographie d'Édouard Drumont. Vous connaissez bien l'histoire de l'antisémitisme en France, l'histoire politique aussi de la Troisième République. Alors cette histoire donc que je viens de raconter est une fiction, les personnages de Caroline, Jacques, Manuel Ullmann sont inventés, mais le sénateur Godin de Vilaine a bien existé, et l'épisode aussi de la maladie numéro 9 a bien existé en 1920. C'est étonnant, cet épisode est totalement oublié aujourd'hui, comment ça se fait ? puisque à cette époque-là, en 1920, on a le sentiment que l'antisémitisme est assez peu identifié dans l'opinion publique. Il faut savoir qu'au sort de la Grande Guerre, que les Juifs de France ont accompli leur devoir de soldat comme les autres, avec un patriotisme ardent. Même des antisémites de l'époque de l'affaire Dreyfus, comme Maurice Barrès, vont, durant la Première Guerre mondiale, considérer eh bien que les Juifs font partie de la grande famille française. On considère qu'il y a une union sacrée de tous face à l'adversaire allemand, et que les Juifs, évidemment, doivent participer à l'effort de redressement national à ce moment-là. Ça, c'est le discours un petit peu officiel, mais il y a quand même des poncifs qui sont l'héritage d'un certain passé, notamment des années 1880-1890, moment du boulangisme et de l'affaire Dreyfus, et la naissance de l'antisémitisme moderne, donc qui surgit à ce moment-là, donc dans cette France de la Troisième République, qui est à peu près donc 30 ans auparavant la maladie numéro 9. Et il y a notamment Édouard Drumont, qui est l'auteur du best-seller de l'antisémitisme français en 1886, qui est la France juive. Alors, c'est pas du tout la même époque, mais ce succès à l'édition, cette naissance de l'antisémitisme français sous sa forme moderne, explique en partie les mythes que va porter le discours relatif à la maladie numéro 9 en 1920. Drumont invente l'antisémitisme en s'inspirant de différents courants d'idées, mais on va voir chez lui aussi cette idée que les juifs sont porteurs de maladies spécifiques. Il va s'inspirer de travaux de certains scientifiques de l'époque. Je pense par exemple à Charcot. Oui, Charcot avait théorisé l'idée selon laquelle les juifs étaient sujets à la névrose. Et Drumont va considérer que les juifs sont également sujets à des maladies comme la gale, le scorbut, l'anémie, la névrose évidemment. Donc il y a cette idée-là que les juifs sont soumis à une fixité héréditaire et sont porteurs de maladies qui leur sont propres. Alors évidemment, de cette hantise-là, on vient vite à une autre hantise qui est celle de la hantise de l'épidémie. Alors là, on peut revenir aussi aux temps médiévaux. Voilà, c'est l'anti-judaïsme traditionnel chrétien. Plus chrétien et plus religieux, qui accusait les juifs au moment des grandes pestes à la fin du Moyen-Âge, eh bien, d'empoisonner les fontaines et les puits, etc., etc. Donc, voilà, cette hantise de la souillure, cette hantise de l'épidémie, elle s'enracine dans un terreau historique bien identifié, et on voit tous ces fantasmes ressurgir, là, dans ce court moment de la campagne de presse autour de la maladie numéro 9, et on va donc associer le juif à la vermine, aux microbes, avec toujours cet emprunt au discours médical, à la métaphore médicale. On voit souvent cela chez les antisémites, avec cette pathologisation du juif, considéré comme un corps exogène qui viendrait souiller la communauté nationale, réduite à un entre-soi déterministe et figé, cette communauté nationale valorisée contre l'immigré juif. Voilà, on voit à ce moment-là des thèmes xénophobes qui apparaissent avec évidemment cette hantise de la maladie, et là la maladie numéro 9 le montre avec éclat. En plus, c'est une rumeur, enfin, ça c'est aussi un phénomène assez courant, même on le verra même dans les années 60, la rumeur d'Orléans, on disait que à Orléans, que dans certains magasins on enlevait des jeunes femmes dans les cabines d'essayage, elles allaient être vendues à la traite des blanches, donc c'était évidemment des commerçants juifs qui pratiquaient cette traite des blanches, enfin c'était donc une rumeur, là encore c'est une rumeur qui court. Et ce qui est étonnant également, Grégoire Kaufmann, c'est, à l'époque, c'est le rôle de la presse, on l'a entendu dans cette histoire, une certaine presse fait l'écho de ces rumeurs antisémites, et la classe politique également. Ce discours du Sénat Gaudin de Vilaine, on en a entendu là qu'une seule partie, une petite partie, mais tout ce qu'on a entendu était vrai. Ce sont vraiment les mots qu'il a prononcés en décembre 1920. Ça semble incroyable qu'au Sénat, donc sous la Troisième République, on puisse prononcer des paroles d'une telle violence. Alors oui, la presse porte une lourde responsabilité dans ce type de campagne et sacrifie elle aussi à la rumeur anti-juive. Il faut savoir que l'antisémitisme a toujours été porté par ces rumeurs qui circulent dans l'opinion. On ne sait pas exactement d'où elles viennent ni où elles vont. En tout cas, les journaux s'en font l'écho. Il y a toute une presse de caniveaux à l'époque, il faut bien l'appeler par son nom. Je pense à des journaux comme la Libre Parole, qui était notamment le journal fondé par Drumont au moment des années 1890 et qui a été le premier grand journal antisémite. Il y a d'autres journaux comme l'Action française, les royalistes du nationalisme intégral de Charles Maurras, des journaux de droite plus modérés comme l'Écho de Paris, qui vont eh bien instiller la rumeur, répandre le fantasme et tenter d'agir sur les esprits par une sorte de mise en condition psychologique de la population. Il faut savoir que à l'époque, il n'y a pas de législation antiraciste, c'est-à-dire que on peut, au nom de la liberté d'expression, attaquer les individus par rapport à leur origine religieuse, raciale, etc. Il faudra attendre la fin des années 30 pour qu'on voit apparaître les premières mesures législatives antiraciste. Et qui la seront presse, d'ailleurs abrogées immédiatement par le régime de Vichy. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant également, c'est que cette presse profite de la liberté d'expression garantie par les institutions républicaines, eh bien, pour attaquer la République en son cœur. Et souvent, lorsqu'elle attaque les Juifs, à travers eux, elle attaque l'idéal républicain. Alors, ce qu'on a entendu aussi dans la fiction, avec le personnage du sénateur Ullmann, le père de la jeune femme, c'est son refus de prendre parti aussi trop vite dans cette affaire. On sent un certain malaise de la communauté juive française de longue date par rapport à cette immigration plus récente. Alors, certains historiens ont pu systématiser la dualité entre ce qu'on appelait à l'époque les Israélites français, intégrés depuis des générations, patriotes, très républicains, profitant aussi bien du mouvement de sécularisation qui les a portés pendant tout le 19e siècle. Donc, ces Juifs très intégrés à la société française à cette époque, qui seront d'ailleurs aussi, comme on le voit dans le feuilleton, de grands commis de l'État, des sénateurs, des politiques, des préfets, etc. Ce sont, comme l'historien Pierre Birnbaum a pu les qualifier, les fous de la République. Ils sont fous de République, fous de la République, imprégné des idéaux républicains et installé en France depuis plusieurs générations. Il est vrai que dans ces milieux-là, héritiers de ce qu'on a pu également appeler le franco-judaïsme, eh bien, dans ces milieux-là, on voit parfois avec une forme de méfiance l'arrivée de ces nouveaux venus qui ne parlent pas français, qui n'ont pas les mêmes codes ni linguistiques, ni culturels, ni vestimentaires. Et on a pu sentir en effet cette suspicion, cette forme de méfiance, même si les institutions juives, évidemment, viendront prêter main à ceux qui tentent d'apporter de l'aide à ces réfugiés juifs qui arrivent en France à ce moment-là. Alors évidemment, dans toute cette histoire, il y a des résonances actuelles évidentes. On a entendu la référence au protocole des sages de Sion, ce livre rédigé en fait par un espion du Tsar en 1901. On a su assez vite qu'il s'agissait d'un faux. Et aujourd'hui encore, malgré tout, c'est un livre qu'on peut trouver dans des librairies, en vente libre dans certains pays. Et puis évidemment, cette histoire du migrant de 1920, elle a des résonances actuelles également. Oui, tout à fait. Pour juste un petit mot par rapport au protocole des sages de Sion, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un document apocryphe prétendument rédigé par des sages juifs réunis secrètement pour s'isoler les derniers éléments d'un programme de domination du monde. Voilà, un programme de domination avec évidemment ce complotisme, ce conspirationnisme qui est très présent dans ce document apocryphe. C'est un faux, oui, un faux anti-juif. Oui. Ce qui est intéressant, il s'inscrit lui-même dans une histoire puisqu'il y a eu d'autres faux anti-juifs avant moins connus. Le fameux discours du rabbin tiré d'un roman publié en 1868. Il y a également le faux Crémieux avec un discours de domination mondiale prétendument prononcé par Adolphe Crémieux devant l'Alliance israélite universelle. Donc voilà, il y a toute une tradition du faux anti-juif et les protocoles des sages de Sion s'inscrivent pleinement dans cet héritage et ils vont faire le tour du monde. On est déjà à ce moment-là dans un antisémitisme globalisé. Ils vont circuler de la Russie à la France en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, etc. etc. et va nourrir la propagande antisémite hitlérienne durant les années 30 et on voit encore aujourd'hui dans certaines officines d'extrême droite ou bien dans certains pays arabes et bien des traductions des protocoles des sages de Sion qui sont évidemment présentés au public puisque des historiens ont démontré qu'il s'agissait d'un faux depuis longtemps mais la force du préjugé et la force du fantasme fait que et bien les personnes qui veulent y croire continuent d'y croire. Et cette histoire de migrants aussi, forcément, cette histoire qui se passe en 1920, elle a des résonances actuelles, Grégoire Kaufmann. Alors oui, notamment par rapport à la hantise de cette maladie du caractère contagieux attribué à ces migrants. On a vu aujourd'hui des sites d'extrême droite eh bien, estimer que l'afflux migratoire eh bien, était porteur de maladies contagieuses avec des thèmes et des mythes qui rentrent en résonance avec ceux colportés par la maladie numéro 9. Hein. On est notamment très inquiet dans ces milieux d'extrême droite d'une pathologie que l'on nomme la drépanocytose et qui serait propre aux migrants originaires d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, etc., etc. Et une maladie génétique. Certains milieux d'extrême droite, eh bien, agitent cette menace-là pour s'opposer, bien évidemment, en fait, à l'accueil des migrants sur le continent européen. Eh bien, merci beaucoup Grégoire Kaufmann pour toutes ces informations précieuses. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de la biographie d'Edouard Drumont, éditée il y a quelques années chez Perrin. Et je signale un autre livre que vous venez de publier, plus sur l'actualité, Le Nouveau FN, les vieux habits du populisme, édité au Seuil dans la collection La République des idées. Autant n'importe l'histoire est terminée. L'émission est bien sûr écoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Si vous les avez manqués, vous pourrez réécouter par exemple le mystère de la Marie Céleste, On veut tuer le roi Henri IV ou la marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova. La semaine prochaine, place au spiritisme et aux fantômes. Je vous raconterai l'histoire de Marthe, une jeune veuve qui au lendemain de la guerre de 1870 ne se remet pas de la perte de Louis. l'homme qu'elle aimait et qui est mort pour la France. Édouard Buguet, le photographe des fantômes, c'est dimanche prochain donc. Dans quelques minutes, ne manquez pas votre rendez-vous avec Noël Bréham. Très bonne soirée à tous.